Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Gamozo. Salut à toi, Ludmilla. Salut Antoine, salut les auditeurs, heureux, salut. Alors, pour le sujet de ce soir, je peux te poser une question? Oui, bah oui, je t'en prie. Est-ce que tu es cyborg? C'est une bonne question. Non, t'as pas de... t'es pas connecté à quelque chose ou... Bah écoute, là je suis en train de me regarder, hein, il me semble que non. Pourquoi cette question? Bah, c'est un peu le sujet de ce soir. Parce que comme je suis abonné au monde diplomatique, voilà, donc, j'ai eu l'idée de faire ce sujet. Alors, je vais parler de cyborg, cybernétisme, cybernétique, transhumanisme, ouais. Quelque chose, tout ça. Vaguement, oui. Bah, là, on va partir presque dans la science-fiction, dans l'anticipation. Ça s'appelle aussi humanité augmentée. C'est un peu comme le développement durable, ça porte. Ouais, quand tu me parles d'augmenter, je comprends mieux, mais c'est encore à cause d'un jeu vidéo. Voilà. En fait, j'ai déjà parlé de tout ça sur une antenne. C'était déjà il y a longtemps, parce que c'était monté à 12 ans, je crois. J'ai fait une émission sur le... sur les nanotechnologies, en gros, on est presque dans le sujet de ce soir, avec le collectif Pièces et Manœuvres, hein, ils sont de, au côté de Grenoble, donc c'est des opposants aux nanotechnologies. J'avais parlé notamment à l'époque, je me souviens, de la théorie du petit bang. Hein. Alors, oui, non. Non, non, non. En fait, le bang, c'était les bits. Les atomes, les neurones et les gènes. Donc c'est ce qu'on appelle aussi, ça les sciences convergentes. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut créer un homme nouveau, un homme augmenté. C'est vrai que ça rappelle un peu la science-fiction de la science-fiction des années 70, voire même avant. Hein. On trouve un peu ça il y a déjà longtemps. Alors, il y a un petit article ce mois-ci dans le Monde diplomatique. À quoi sert le mythe du transhumanisme? Alors, ça commence ainsi. Le développement d'une intelligence artificielle générale pourrait signer la fin de l'humanité. Ce qui fait un peu froid dans le dos. C'était une phrase de Stephen Hawking, donc le fameux astrophysicien qui est mort cette année au mois de mars. Donc, c'est longtemps cantonné au registre de la science-fiction, la peur de l'intelligence artificielle s'enracine depuis quelques années dans le débat public, associé tantôt à l'automatisation des métiers et au chômage, tantôt à la perspective non moins terrifiante de robots tueurs. C'est vrai qu'on en parlait souvent, hein. Il paraît que ça pourrait coûter 2 millions d'emplois, hein, fameuse automatisation des métiers. Hein, donc. Oui, oui, en effet, mais ça fait longtemps, cette histoire d'automatisation des métiers, non? Oh, ça a commencé depuis bien longtemps, effectivement. Mais justement, ça me fait penser, c'est bête, il me semble, c'est plutôt jeune, je vais peut-être vérifier, dans Charlie et la chocolaterie de, je crois que c'est Roald Dahl, on va peut-être le prononcer comme il faut, où le papa est renvoyé parce que son usine remplace toutes les personnes par des robots. Je vais trouver ça tout de suite... De quand ça date Voilà, en attendant, j'ai continué le début de l'article du diplôme. Alors, du philosophe et chercheur Nick Bostrom à M. Elon Musk, donc on voit un peu partout, il a même été reçu par un Macron, je crois. Ouais. Le fondateur des entreprises Tesla et SpaceX. Alors, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il a envoyé des voitures dans l'espace et puis... On a vu toute la clique des médias, comment dirais-je, s'émerveiller devant tout ça. Ouais. Bon, ça me fait penser aussi qu'il y a une radio à côté de Radio Gamozo, je ne la citerai pas. Il y a une chronique, on va dire, multimédia, tous les médias numériques, tout ça. Si je cherche une chronique qui a eu un peu d'esprit critique, mais même en cherchant dans les autres émissions de cette radio, je dois vous que je n'ai pas le souvenir d'une seule, minute où on aurait engagé une petite critique de tout ce qui est numérique ou tout cela. C'est un peu comme de chercher de la neige au Sahara. Oui. Donc on en profite qu'on a encore des radios libres pour avoir un peu de critique et un peu d'opposition à tout ça. Alors, pour le patron de Tesla, leur danger dépasserait même celui de la bombe nucléaire. Il parlait des machines super intelligentes et potentiellement incontrôlables qui feraient peser sur ferait passer un grand danger sur l'humanité. À cette crainte s'ajoute celle du transhumanisme, une idéologie née en 1980 à la Silicon Valley qui promet l'amélioration physique et intellectuelle des humains par les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Avec à terme une fusion de l'humain et de la machine. Donc c'est ce que je parlais tout à l'heure, l'humanité augmentée et les sciences convergentes. L'hypothèse selon laquelle la machine pourrait bientôt passer l'homme porte un nom. Il s'agit de la singularité. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Un terme utilisé pour la première fois dans l'article The Committing Technological Singularity, publié par l'auteur de science-fiction américain Werner Vinge en 1993. Elle désigne une date incertaine à laquelle l'intelligence artificielle dépassera la nôtre, inaugurant donc une nouvelle ère impossible à concevoir pour nos cerveaux humains. Vinge a lui-même eu ses prédécesseurs et inspirateurs des rêveries du mathématicien Stanislas Umlau sur l'accélération exponentielle du progrès aux écrits d'Isaac Asimov et de Philip Dick, donc, en passant par les hypothèses du statisticien Irving John Good sur les machine ultra intelligente. Tout ça, c'était dans les 50-60. Érigé en problème clé par les industries de la Silicon Valley et ses intellectuels organiques, la singularité s'est muée au cours des années 2000 en école de pensée. Certains, comme Ray Kurzweil, transhumaniste convaincu et chercheur chez Google, y voient non pas une catastrophe, mais un événement désirable. Si ce techno-optimiste reste minoritaire, tous les analystes s'accordent cependant sur un point. L'avancée inéluctable et exponentielle du progrès technique rend la singularité inévitable. Plutôt que de tenter de l'empêcher, il s'agirait de préparer l'humanité à son avènement pour en limiter les conséquences négatives. Mais un paradoxe saute aux yeux. Apocalyptique ou préventif, ces scénarios émanent de chercheurs d'industriels eux-mêmes engagés dans le développement de ce contre quoi ils se mobilisent. Arrosés par l'argent de la Silicon Valley, les organisations et les comités d'éthique censés nous prémunir contre le soulèvement des machines en dictant normes et règles se multiplient, dont notamment le fameux, comme il s'appelait déjà, Elon Musk. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de cette université de la singularité ? Non, mais je pense que tu vas éclairer ma lanterne dans quelques secondes. Voilà. Alors, nous sommes tous complices de cela, chercheurs compris. Le transhumanisme permet à ceux qui travaillent dans la recherche de publier des livres ou des articles sur l'humanité en péril d'obtenir des postes, affirme Gabriel Dort, philosophe qui a intégré pour le besoin de ses recherches l'association française transhumaniste. En 2014, plus de 800 personnes, dont une bonne partie de chercheurs et pas moins de 300 neurobiologistes, ont signé une lettre ouverte contre le Human Brain Project, ce programme de recherche de 1,2 milliard d'euros, dont 500 millions issus de fonds européens, visant à recréer d'ici à 2024 un cerveau humain grâce à un superordinateur. Comme beaucoup, Richard Endlauser, professeur de neurosciences à l'Université de Zurich, fustigeait à l'époque des promesses sans contenu réel, l'absence de scientifiques dans les instances dirigeantes et le poids des industriels, davantage attirés par la perspective d'ordinateurs toujours plus performants grâce à l'informatique neuromorphique, c'est-à-dire imitant le fonctionnement du cerveau, que par la compréhension de notre matière grise. Alors, il y a quelques reportages à la télévision, notamment, en gros, c'est quasiment toujours sur une chaîne, c'est sur Arte ou La 5, hein, où on parle toujours de ce projet de recréer un cerveau humain grâce aux ordinateurs. Oui. Alors, ça pose, on se fait une pause musicale pour commencer, au bout de 10 minutes. Oui, si tu veux, pourquoi pas. Alors, le morceau que tu as choisi, forcément, ça pouvait coller au thème, hein, c'est Welcome to the Machine de Pink Floyd. Donc, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Voilà, de retour sur Radio Gamozo. Donc c'était Pink Floyd, Welcome to the Machine. Oui. C'était en 75. C'était une époque où on voyait ça d'un assez bon oeil. Hein. T'es pas les seuls d'ailleurs. Mais... C'est une époque aussi où on croyait que les voitures voleraient un jour. Ouais. Ou en 2000 surtout, parce que bon, c'est vrai qu'elles vont peut-être voler un jour, mais... Je peux même te dire qu'à l'époque, en 75 aussi, c'était l'année où il y avait Kraftwerk qui chantait Radioactivity. Mais on avait une bonne idée aussi du nucléaire à l'époque. Ça peut paraître fou, mais... Ouais, c'est vrai que ça peut paraître complètement fou. Des fois, c'est étonnant quand on retourne en arrière, parce que on voit que les promesses du passé, que nous envoyait, semblait nous envoyer le futur, ne sont pas du tout réalisées. Quoi, non. Même, plutôt, on va plutôt même vers un désenchantement. Là. Bon, je continue toujours avec mon article du Monde Diplomatique. Oui. Alors, la promotion d'une post-humanité technologique a également pour conséquence de contourner la politique. Tout se passe comme si l'intelligence artificielle posait une question trop sérieuse pour être laissée au gouvernement et ou à la délibération politique. Et qu'il fallait plutôt la réserver au cénacle d'initiés qui forment les instituts d'experts, fussent-ils juges et partis. Paradoxalement, la réflexion éthique a un effet toxique. La dépolitisation des enjeux, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ont un intérêt à assumer à circonscrire le débat au registre des valeurs, sans laisser de place aux réflexions sur les conséquences immédiates des technologies, sur les inégalités sociales ou sur l'émergence de nouveaux lieux de pouvoir. Alors, c'est tous des noms qui doivent être familiers, je pense. Oui, c'est nom de grandes firmes, bien entendu. D'ailleurs, ils ont fait plein de choses. Il me semble, à un moment, l'entreprise Google avait fait, congeler les ovules des femmes qui travaillaient chez eux pour qu'elles puissent continuer à travailler et puis avoir des enfants plus tard. Voilà, tu m'apprends un truc, là, j'étais pas au courant. Ah, t'étais pas au courant. Bah, après, tu te doutes bien, en tant que femme, je me sens un petit peu concernée parce que, bordel, on s'est pas battu pour avoir la pilule pour que finalement quelqu'un d'autre décide quand c'est le bon moment pour avoir des enfants. Si on veut en faire, on en fait, et si on n'en veut pas, ben on n'en fait pas. Mais voilà. Bon, ça, c'est encore une parcelle de contrôle sur nos vies, mais c'est pas tout à fait le sujet de l'émission de ce soir. Bon, c'est quand même un petit peu. Parce que toutes ces entreprises, il y a généralement le fonctionnement. Enfin, le. Elle subventionne ce dont je parlais avant, c'est-à-dire le Human Brain Project, c'est-à-dire ce projet de reproduire un cerveau humain. Oui. Alors, outre ce glissement du politique vers l'éthique, le discours de la singularité implique aussi une seconde translation, celle de la rationalité scientifique vers le registre du mythe. La technique deviendrait ici le support non pas d'une théorie prédictive étayée par des observations, mais d'un grand récit tragique de la vie humaine. Le transhumanisme est un système de croyance qui a plus à voir avec la religion qu'avec la science. Nous affirme ainsi Richard Jones, professeur de physique à l'université de Sheffield et auteur d'un texte intitulé « Contre le transhumanisme ». Il fait appel au mythe fondateur de l'humanité. On réutilise les éléments clés, l'idée que nous pourrions atteindre l'abondance, voire l'immortalité, grâce à l'intervention d'une intelligence supérieure. Capable de faire le bonheur ou notre malheur. De plus, de manière plus surprenante, le transhumanisme rappelle également le cosmisme russe, mouvement philosophique de la fin du XIXe siècle, en particulier le penseur orthodoxe Nikolai Fiodorov. Sur le Fiodorov, la science allait permettre de faire advenir les promesses de la Bible, ici sur Terre. Il était convaincu que la technologie finirait par nous rendre immortels. Donc tu vois, c'est la croyance fanatique dans la science, ça date pas d'hier. Hein. Non, en effet. Ça me rappelle aussi le proverbe qui dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. Oui, c'était de qui ça? C'est un proverbe. Hein, d'accord. Alors, quel est le but de tous ces gens-là, Elon Musk ou Mark Zuckerberg, je pense que ça doit dire quelque chose aussi, le fondateur de Facebook. Alors, ils se sentent ni plus ni moins investis de la mission de reconduire et d'actualiser l'idéal de progrès des Lumières. Comme quoi, il ne faut pas trop dans la modestie. Hein. Alors, je vais passer. Je vais peut-être refaire un petit point d'histoire. Alors, cette histoire d'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier. Hein. Je parlais de cybernétique. Donc, en 1954, Norbert Wiener, qui était le père de la cybernétique, avait déjà bien analysé les changements à venir. Nous avons modifié si radicalement notre environnement que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes afin d'exister dans ce nouvel environnement. Nous ne pouvons plus vivre dans l'ancien. C'est une déclaration qui pourrait être très bien faite encore actuellement. Alors, l'homme nouveau. La légende raconte que Ray Kurzweil, je pense que ça doit dire quelque chose, peut-être c'est celui qu'on peut considérer comme le pape du transhumanisme actuel. Oui, non, ce nom m'est assez inconnu, pour être honnête. On t'entendra bien parler un jour, je pense. Donc, ce brave homme prendrait 200 pilules par jour, dont certaines pour lutter contre le vieillissement, car pour lui, le but de la vie est d'aller toujours au-delà des limites. Parmi toutes les espèces, ce que les êtres humains ont d'unique, c'est bien de transcender toutes les limitations. Bon, j'ai déjà vu en photo, j'ai pas l'impression que ce soit si efficace que ça. Et d'ailleurs, en parlant de briser des records et dépasser des limites, c'est la note d'humour, mais qui pique un petit peu. L'humanité est très douée aussi pour dépasser l'entendement au niveau de la connerie. Ouais. Et au niveau de la bêtise, pour détruire son propre habitat, je pense que plutôt que d'essayer d'être... mais ça, c'est une petite note de morale. Plutôt que d'essayer d'être, immortel, serait peut-être bien de faire en sorte que notre planète le soit. Mmh. Je voulais faire aussi une réflexion. Enfin, ce genre de discours, on aurait pu croire que c'est celui d'un sportif de haut niveau aussi. Comme quoi on peut faire tout à fait la relation entre le sport de haut niveau puis le mythe, enfin cette idée folle de créer le mythe de l'homme nouveau. Mais bon, après, tout le monde peut dépasser ses limites, hein, techniquement, mais s'il y a une chose qui nous lie tous, c'est la mort. On finira tous par mourir un jour, qu'on le veuille ou non. Voilà, ça je voulais en parler à la fin de l'émission, parce que ça fait partie quelque chose qui ne les intéresse pas trop, c'est-à-dire les questions éthiques. Hein. Ben, on pourra parler un peu de philo si ça t'intéresse en fin d'émission. Ouais. Donc je revenais toujours sur le transhumanisme. Alors, toujours à propos de Ray Kurzweil, son mouvement a fait de l'augmentation de l'espérance de vie son fondement, jusqu'à envisager l'immortalité, rien que ça. Nous serions entrés dans une phase intermédiaire de notre évolution. Le transhumain, coincé entre notre ancêtre, l'homo sapiens, et notre descendant, le post-humain. Pour atteindre cette nouvelle condition, nous disposons aujourd'hui d'un formidable arsenal pharmacologique dont nous avons beaucoup parlé et pouvons beaucoup attendre des progrès des biotechnologies, de l'informatique, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc, comme le proclame le premier article de la déclaration transhumaniste adoptée en 1999 par l'Association transhumaniste mondiale. Alors, il y a des transhumanistes en France, mais ils ne sont pas très connus. Généralement, la plupart du temps, ils ont plutôt tendance à se cacher, hein, contrairement aux États-Unis. Alors, premier article proclamait « L'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications telles que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'évolution de la souffrance et l'exploration de l'univers. » Pourquoi c'est un projet finalement assez modeste. Hein. Oui. Fanatiquement scientistes, les transhumanistes sont persuadés que nous sommes nous affranchirons de la condition humaine par l'augmentation de nos capacités intellectuelles, physiques ou psychologiques et par l'éradication de la maladie, du handicap, du vieillissement et même de la mort. En réussissant à télécharger le contenu de notre cerveau sur un disque dur. Bon, j'exagère pas, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Ce genre de lucubration prête à sourire. Ne serait-elle pas l'actualisation de prophéties délirantes et des fantasmes d'immortalité qui existent depuis la nuit des temps? De Gilgamesh à la fontaine de Jouvence. Donc Gilgamesh, qui déjà, il paraît que c'est le plus vieux récit de l'histoire de l'humanité. C'est un récit où déjà on voulait vaincre la mort. Sans doute pas pour partie, mais à la différence de ces vieilles croyances, ceux qui aujourd'hui veulent en finir avec la mort et avec toute limite biologique dirigent des laboratoires ou des multinationales dans le high-tech. Ils participent pleinement du complexe technoscientifique qui remodèle le monde. Ils évoluent dans un environnement idéologique qui leur est de plus en plus favorable. Les autorités scientifiques et politiques ont fait de la santé une de leurs préoccupations majeures. D'autant que si de nombreux espoirs ont été déçus, l'augmentation de l'espérance de vie donne un sens au progrès et une légitimité difficilement contestable à nos sociétés industrielles. Les idées de limite et de finitude, marque de l'humanité, deviennent aujourd'hui impensables. Alors, une petite parenthèse, parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y a notre président qui avait développé un grand plan pour l'intelligence artificielle. Parce que lui, il n'y a pas vraiment de débat à avoir là-dessus, les considérations éthiques, tout ça. Bon. Non. De toute façon, voilà. À partir du moment où on atteint le pouvoir, c'est drôle, l'éthique n'existe plus. Oui, c'est un peu ça. Et puis, autre chose que j'ai déjà souligné dans notre mission, c'est une certaine hypocrisie des politiques qui prêchent, qui ont ce genre de discours, parce qu'ils vont nous dire il faut investir dans la technologie, et après, ils vont se plaindre que les emplois disparaissent à tour de bras. Ce qui est assez contradictoire. Hein. Oui, enfin, surtout, ils détruisent des emplois et après ils disent c'est drôle, la courbe de chômage n'augmente pas. C'est bizarre. C'est tout à fait ça. Ouais. Alors, je reviens au concept de singularité qui est au cœur des théories transhumanistes. C'est-à-dire le moment où la complexification du monde par la densification des nouvelles technologies engendrera un exil de l'humanité. Dans les décennies à venir, il y aurait ainsi, selon ces théories, une rupture qui changera la nature de l'homme. Les machines surpuissantes domineront le monde. On peut d'ailleurs marquer quelques extravagances, partager cette analyse et en tirer des conclusions contraires quant à l'action à mener. S'appuyant sur la loi de Moore, les plus précis prévoient le grand basculement pour 2030. Gordon Moore, cofondateur d'Intel, avançait en 1965 que la puissance de calcul des ordinateurs doublerait tous les 18 mois. Ce qui, jusqu'ici, semble se confirmer et laisse présager un dépassement complet de l'intelligence artificielle par celle des machines dans une vingtaine d'années. Ces dernières pourraient alors communiquer entre elles sans que nous ayons à intervenir, s'auto-engendrer et agencer le monde selon leurs propres intérêts. Plutôt que de combattre cette tyrannie technologique, les transhumanistes militent pour que l'humain s'adapte, se transforme radicalement pour continuer à exister et ne pas être relégué. Avant tout anglo-saxon, il constitue le versant extrémiste et enthousiaste d'un mouvement plus large de remise en cause des principes philosophiques hérités des Lumières. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont pleins de contradictions, mais certains qui se réclament ni plus ni moins que les Lumières, et d'un autre côté, il y a certains qui prêchent l'intelligence artificielle et qui, dans le même temps, s'inquiètent de la prise de contrôle des robots. Alors, un petit mot aussi sur la loi de Moore. Hein. Il y a certains qui ne sont pas d'accord avec tout ça. J'ai lu certaines choses intéressantes. Ils disent qu'en fait, cette loi, elle pourrait s'arrêter parce qu'elle pourrait s'arrêter à des limites physiques. Hein, parce que oui. Les limites physiques au niveau même atomique, on ne pourrait peut-être pas aller en dessous. Hein. Bon, ça à voir pour l'avenir. Mais je pense que c'est tout à fait quelque chose de plausible. Bon, on se fait une deuxième pause musicale. Oui, et j'ai choisi un morceau qui colle dans le thème que je connais pas du tout, mais après tout, tu as dit atteindre l'immortalité, ce serait peut-être réussir à transférer nos connaissances et aussi notre conscience sur un ordinateur. Pour ça, il faudrait réussir à nous connecter, comme si on n'était déjà pas assez avec tous ces réseaux sociaux. Hein. Même moi, je dis ça, mais bon, j'ai deux écrans d'ordinateur devant moi pour mon travail et j'ai toute une, une batterie. Moi, j'ai que des journaux. Oui. Je suis un peu vieille école. Moi. Bah, écoute, c'est pas plus mal. Donc, en fait, le morceau qu'on va s'écouter, c'est Disconnected, vu qu'il faut par moments se déconnecter d'un artiste ou d'artiste qui s'appelle Big Bold Nurse. Donc, on va s'écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. De retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans Ce qu'il faut savoir avec Antoine, et vous avez écouté à l'instant le morceau Disconnected de Pickboard Nerds. Donc la parole est à toi, Antoine. Ouais, je préfère les morceaux acoustiques quand même. Bon, je suis un peu allergique à ce genre de truc. Bon. Ah, t'es pas branché électro ? Oh non, j'aime pas ça. Ah, c'est dommage, tu sais pas ce que tu loupes. Je suis un peu comme Marcus, ça me. Bon. Alors, je parlais de notre président. Et je ne sais pas si tu sais, il a un monsieur intelligence artificielle, un certain Cédric Villani. Ah non, tiens, je ne savais pas ça. Il est député et puis le lauréat de la médaille Fields, une sorte de prix Nobel des mathématiciens. Ouais. Alors lui, il jure que par l'intelligence artificielle. Hein. Alors, donc Cédric Villani, avoue ne pas savoir la définir. Alors derrière ce thème, il y range n'importe quelle technique informatique qui permet d'aboutir à un résultat sophistiqué. Il évoque les voitures Google qui roulent toutes seules, les assistants virtuels qui s'adaptent avec leur interlocuteur, et en empathie programmée, les traducteurs automatiques, les applications de santé à télécharger sur smartphone, le téléphone intelligent, qui deviendrait ainsi un laboratoire d'analyse médicale distribuée. Les compteurs communicants, les robots en tout genre, les armes létales autonomes, les caméras de surveillance, bref, tout un fatras technologique qui range sous ce label intelligence artificielle. Bon, il y a beaucoup de gadgets quand même. J'imagine. D'ailleurs, si on regarde ce qui range dans l'intelligence artificielle, on peut débattre sur le compteur Linky, par exemple, qui est un modèle de mouchardage. Oui, c'est un... Alors, comment ça s'appelle, hein, compteur communicant, quelque chose comme voilà. Ça, le nom pour faire joli. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait halluciner là. C'était de la vraie propagande au moment du Tour de France où ils mettaient, tu sais, des petits spots avec des compteurs Linky tout souriant sur le bord de la route. Mais vous foutez de notre gueule. Voilà. D'ailleurs, si notre ami Dominique Imbert écoute cette émission, ça lui fera plaisir. Il adore le compteur là. Il est passé ici il y a quelques semaines. Attends, je vais te retrouver le jour. Voilà, parce que je crois que c'est le symbole, vraiment, pour moi, le symbole de tout ce fatras. Il est passé le 26 juin, pour info. Voilà. Tout ce fatras de l'intelligence artificielle, c'est parce que c'est la négation de la démocratie, par plusieurs aspects, donc genre l'impossibilité de la refuser, le mouchardage, la pollution. Oui. Et puis, je voulais dire autre chose, moi, ça m'échappe. Donc, le paradis de Cédric Villani, donc ce paradis, lui, c'est le, comme tout bon mathématicien, c'est le règne du quantitatif. Dès qu'on s'éloigne de tout ce qui est représentation, modélisation, mise en équation, tout ça, tout ce qui est, tout ce qui est de l'aléatoire, il est un peu perdu, un peu comme les autres. Alors lui, son utopie, c'est une société automatisée. C'est-à-dire géré par des machines, c'est-à-dire les fameux algorithmes. Avec des machines intelligentes, entre guillemets, pour réguler les interactions sociales. Telle que la vision de la cybernétique, cette science du contrôle et de la communication forgée par des mathématiciens au sortir de la Seconde Guerre mondiale qui nie fondamentalement l'intériorité de l'humain et qui se trouve à la base de toutes les prophéties actuelles sur l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un petit commentaire du journal La Décroissance. Alors, on est toujours dans l'obsession de la rationalité là-dedans. Alors, toujours un extrait de ce petit article de la Décroissance. Bien qu'ils se prétendent novateurs, disruptifs et hyper modernes, les vilainies d'aujourd'hui ne font que poursuivre la vieille logique technocratique selon laquelle la société est destinée à maximiser la productivité et vouée à s'adapter au système technicien. 40 ans avant eux, deux hauts fonctionnaires parlaient exactement le même langage, sauf qu'ils utilisaient le terme d'informatique et non celle d'intelligence artificielle. Dans leur rapport « L'informatisation de la société », Simon, Nora et Alain Minc, ça c'est assez marrant parce que Minc c'était un des soutiens de Macron lors de la dernière présidentielle. Donc c'était en 78. Oui. Il disait que l'informatique prendrait dans ses rêves la société entière, ce qui c'est quand même assez bien vu. Elle la transformerait en profondeur. Elle améliorerait l'administration, détruirait des emplois et provoquerait la déqualification de nombreux travaux. Accomplis jusqu'à présent par une main-d'œuvre très experte, par exemple les typographes. L'informatique s'inscrit dans un mouvement de rationalisation dont elle est la condition et l'expression la plus achevée. Écrivez les deux inspecteurs des finances. Elle permet et accélère l'avènement d'une société à très haute productivité. Viser la productivité la plus élevée, c'est encore et toujours l'obsession de la technocratie d'aujourd'hui. Selon elle, le numérique, c'est la grammaire et l'efficacité de notre temps. Il faut automatiser pour soutenir la concurrence internationale. Ça, c'est le discours qu'on entend de manière assez obsessionnelle. La France doit saisir au mieux les bénéfices de l'intelligence artificielle afin d'assurer la croissance, la compétitivité de son économie. Pour qu'elle rattrape son éternel retard, donc ça, c'est le discours qu'on entend de manière assez régulière, elle suit les pays les plus à la pointe dans le domaine, Chine et États-Unis. Nos planificateurs ont fait de l'intelligence artificielle un secteur prioritaire d'investissement. Des moyens supplémentaires seront alloués à la recherche. Des mesures incitatives viseront à attirer les cerveaux et les capitaux. Le droit, l'éthique ou encore notre conception de la vie privée évolueront pour favoriser l'innovation. Le pays s'efforcera de produire davantage de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, en particulier de sexe féminin, pour une intelligence artificielle inclusive. Dès le CP, devrait être donné des cours d'algorithmes aux enfants. Déjà, la réforme du lycée qui introduit l'étude des humanités numériques, bon, je ne ferai pas de commentaire sur cette formule, s'inscrit dans cette perspective. Inculquer une culture numérique, moulée sur les exigences de l'intelligence artificielle. Et la main d'œuvre devra apprendre tout au long de sa vie pour mettre en œuvre ses compétences, se reconvertir, rester employable, en veillant à être complémentaire avec les machines. Dans une société automatisée, se former en permanence sera une nécessité, prévient Villani. Puisque selon les bureaucrates, les travailleurs sont voués à la déqualification et à la prolétarisation, la création d'un conservatoire des métiers est même envisagée pour qu'on puisse se rappeler quel savoir-faire les hommes maîtrisaient avant que les robots ne les évincent. Bah, beau programme politique quand même. Hein. On n'est pas loin du fascisme. Non, en effet, on n'en est pas loin. Je pense qu'on devrait, polycopier cet article, le faire lire à tous ceux qui ont un smartphone. Hein. On devrait faire un micro-trottoir, par exemple, pour voir les réactions. Ça serait ce qui est assez triste, généralement, c'est que faut brutaliser les gens pour qu'ils réagissent des fois. Il n'y a plus ça à faire. Hélas, oui. Alors, et comme le disait notre cher président, il ne faut pas avoir peur et refuser le changement. Bon, une phrase interchangeable qu'aurait pu dire François Fillon aussi, parce qu'il a exactement le même discours. Hein. En effet, oui. Mais je ne vais pas mélanger le vieux monde et l'ancien monde. Hein. Pas faire d'amalgame quand même. Non. Donc, notre cher président sent bien que la société automatisée ne soulève guère d'enthousiasme dans les gens d'en bas. Là encore, rien de nouveau. Les modernisateurs se lamentent depuis des décennies sur cet esprit tôt immobiliste qui paralyserait les Français. Prenons un rapport quelconque du plan en 1980. On y lit que les mentalités sont conservatrices, que le peuple parvient difficilement à aimer son industrie, qu'il n'adhère pas aux valeurs techniques de la civilisation, qu'il craint les bouleversements engendrés par la technologie et qu'il ose mettre en question les bienfaits du progrès. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens assez moyenâgeux comme moi qui osent remettre en cause tout ça. Alors, les experts planchent déjà sur l'acclimatation des esprits à l'intelligence artificielle. Or, comme j'en ai parlé avant, on fait déjà de la propagande dans les écoles, du bourrage de crâne. Oui, oui, littéralement. Alors que l'école, normalement, elle devrait être là pour inculquer un esprit critique. En effet. Il est prévu d'embrigader les sciences humaines et sociales dans ce but. Par exemple, pour étudier les relations affectives qui peuvent se nouer entre un humain et une machine et pour améliorer leur interaction. À chaque rupture technologique doit être imaginée la rupture de mentalité qui ira avec, claironnent les transformateurs de mentalité. Il faudra des études sur l'acceptabilité sociale pour mener à bien la politique offensive de la donnée, que M. Villani veut impulser. Tout son bel édifice d'intelligence artificielle ne tient pas sans cette collecte massive de données, à l'instar de ce que font les gens du numérique, Google, Facebook, Amazon ou Apple. Or, il y a quelques individus qui trouvent cela profondément attentatoire aux libertés de se faire sonder, recenser et piller. Il y en a qui n'en veulent pas du marketing intrusif, des capteurs santé ou de la domotique dans les foyers. Il y en a qui désertent les réseaux sociaux, qui n'entretiennent aucun profil sur Internet, qui n'acceptent pas de divulguer leurs photos personnelles, leurs goûts, leurs relations, qui refusent d'être géolocalisés et qui n'ont jamais acheté de smartphone. Il y a des infracteurs qui bootent les installateurs du compteur communicant hors de chez eux et qui veulent préserver leur vie privée. Bref, les gens qui ne tiennent pas à être profilés, mis en données, qui n'ont pas besoin d'assistants virtuels ni de machines intelligentes et qui jugent tout cela détestable, la société automatisée de M. Macron Villani. Résister à l'intelligence artificielle, soyons inadaptés. Donc, c'était signé PRTC dans la décroissance. Et je souscris à 100%. Une petite pause musicale avant la fin. Alors, j'en ai pas choisi d'autres, mais si tu veux, je peux en choisir une petite. Je vais essayer de voir. Toujours j'ai trouvé une playlist sur un site d'écoute qui commence par D et qui finit par Zer. Une playlist qui s'appelle I'm a Robot. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'écouter? Du Daft Punk. Alors, t'as le choix entre End of Line et Technologic. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, ni l'une ni l'autre. Sinon, il y a Get Lucky. Allons-y pour ça. Allez, Get Lucky, celle-là, je la connais bien, elle est assez soft. Donc, on s'écoute Get Lucky. Un peu de pensée positive, quoi dire. Ouais, en effet, un peu de pensée positive pour ce monde qui fait un petit peu peur. C'est un peu la nouvelle langue libérale, tout ça. Ouais. Donc, on se retrouve juste après les Daft Punk sur Radio Gamozo. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Toujours sur Radio Gamozo pour aujourd'hui, on parle de transhumaniste. Il nous reste quelques minutes, on pourrait parler maintenant de questions éthiques. Oui, bien entendu. On a déjà commencé à en parler avec les fameux compteurs communicants qui sont la négation même de la démocratie. De la liberté, je pense aussi. J'ai aussi évoqué qu'il y a quelques années, il y avait un ancien dirigeant de Google qui avait écrit un livre que pas grand monde n'avait lu, qui en gros il expliquait que d'ici quelques années, tous ceux qui refuseront tout ce fatras technologique, ils pourraient être mis sous surveillance. Bon, y a personne qui s'émue de, enfin de ses écrits. Ça, apparemment, ça ne choque personne. Hein. C'est... Ouais. C'est vrai que une forme de dictature, c'est d'imposer tout ça par la force, hein, parce qu'on peut plus le, c'est impossible de, quasiment impossible de le refuser. Bon, si on le refuse, on peut quasiment plus vivre. Bon, ça c'est le, on va dire le côté tyrannique. Et, pour revenir à l'article du Monde diplomatique. Un petit court extrait, qui c'est toujours dans les questions éthiques. Alors, loin des radars médiatiques, la mathématicienne Cathy O'Neill met en évidence dans son livre Weapons of Mass Destruction, armes de destruction mathématique, les conséquences qu'entraîne l'usage de ces algorithmes sur les populations les plus vulnérables. Ce type de programme catégorise par exemple comme potentiellement dangereux des individus qui n'ont commis d'autres crimes que de vivre dans un quartier pauvre. Voilà, ben, conclusion, un sujet sérieux, mais assuré au moins moins racoleur que la fin de l'espèce humaine. Bon, ça c'est le genre de choses qu'on n'entend jamais parler. Hein. Cet aspect des choses, on nous parle toujours des côtés, on va dire, côté positif, mais le reste... Les conséquences sociales, on s'en fout. Hein. Non, en effet. Je trouve que ça fait un peu 18e siècle où on présentait les classes populaires comme les classes dangereuses. Comme quoi, le nouveau monde ressemble toujours à l'ancien. Alors, tu parlais aussi de questions éthiques tout à l'heure. C'est vrai que quand on est, la seule chose dont on est sûr, c'est de mourir. Hein. Oui. Mais, comme l'ont pointé certaines personnes... Bon, est-ce qu'on est vraiment fait pour être immortel? Ça, je suis pas sûr. Si c'est vraiment ça le but de l'existence, je demande. Parce que si leur but de certains transhumanistes, c'est de se réincarner dans des disques durs, bon, ça fait pas bander. Hein. Pas vraiment, non. Et puis d'autres aspects. Tout aspect, on va dire, plutôt psychique, je pense qu'on est, de toute façon, on est programmé pour mourir. Hein, c'est pas... bah ça, c'est le propre, non même pas de l'espèce humaine, mais de la vie tout court. Hein. Tout vit et meurt, je connais rien qui soit éternel. Nous, on n'est pas éternels, les plantes ne sont pas éternelles, les arbres qui vivent beaucoup plus longtemps que nous ne sont pas éternels non plus. La Terre n'est pas éternelle non plus, le Soleil, l'univers, on n'en sait rien, il est extrêmement vieux, mais il peut peut-être avoir une fin. Il a eu un début avec le Big Bang, il peut avoir une fin. Alors, on ne connaît rien qui soit réellement éternel. Peut-être... Non, même pas les diamants qu'on a, enfin les cailloux qu'on a autour du cou ou que certains avec lesquels se pavanent ou au bout du doigt, pour l'instant ils sont, enfin non, ils ont eu un début et puis ils auront une fin quand notre planète cessera d'exister. Donc oui, c'est une question philosophique, mais tout a un début et tout a une fin. Et c'est dans l'ordre naturel des choses. Après, il y a des gens qui veulent le contourner avec l'espoir et la religion. Donc, je vous renvoie vers le débat Déo qui a eu lieu il y a un mois. D'ailleurs, on se retrouve demain soir pour un nouveau débat Déo sur l'ésotérisme. Mais aussi, il y en a d'autres qui cherchent, par le biais des technologies cette fois, donc au niveau concret, de détourner cette question philosophique. Oui. Ce qui est un aspect des choses, c'est que tout ça, le transhumanisme, c'est un courant de pensée hein, qui est fondamentalement anti-humaniste. Hein, le but de l'humanisme, c'est d'accepter ses limites. Hein. Oui, bien sûr. Ce qu'ils veulent faire, c'est exactement le contraire. C'est au contraire rejeter toute forme d'humanité. Hein. Mais, il faut accepter ses limites, il faut accepter de vieillir, il faut... Oui, puis comme tu le disais, rejeter toute forme d'humanité pour des transhumanistes qui veulent se réincarner dans des disques durs. Alors bon, c'est bien marrant de vivre éternellement, mais si on peut plus ressentir de sentiments, si on n'a même plus nos cinq sens, si on n'a plus la joie de découvrir de nouvelles choses ou de pouvoir se promener où on veut, moi je trouve que cette existence est même complètement dénuée de sens. C'est pas intéressant de vivre en étant un ordinateur. Ah oui, d'ailleurs, je trouve que la virtuelle n'est pas très intéressante. Hein. Quand je vois tous ces gens qui sont tous derrière leur smartphone, pour plus discuter avec, ça, c'est assez affligeant. C'est... Mais c'est vrai qu'il y a quasiment plus d'esprit critique aussi. Hein. C'est... Non, il n'y a plus vraiment, il y a plus grand les chose. Critiques avec les critiques de tout ça sont vraiment, vraiment rares. Hein. C'est, à part, de temps en temps sur les radios de service public, mais les autres, c'est pas la peine. Ouais. Donc, on en profiter ce soir sur Radio Gemozo, parce que comme une radio libre. Il faut en profiter pour critiquer tout ça avant qu'on n'ait plus le droit. Donc, ça, parce que vu comme c'est parti, ça risque d'arriver plutôt qu'on ne croit. Oui, en effet. Bon, enfin bon, je pense que tout ça, ça va se terminer assez vite. J'ai déjà fait une émission sur l'énergie, c'est juste terminer là-dessus. Parce que le problème de tous ces gens qui, soi-disant, pensent qu'ils vont vaincre la nature, oui, je pense qu'au contraire, la nature va nous rattraper un de ces jours, peut-être beaucoup plus vite qu'on ne croit. Oh oui, ça c'est sûr. Parce que, quelques lignes, toujours avec du journal La Décroissance, les capacités de stockage donc, pour l'intelligence artificielle exigent des quantités croissantes de silicium, par exemple, et la consommation d'énergie du numérique est exponentielle, plus 8,5% par an. Elle conclut, il faut vraiment être bête comme un mathématicien pour croire que c'est en étant toujours plus connecté qu'on réduira notre prédation. Bon, bah, je souscris totalement aussi cette vision du monde. Et un petit dernier mot aussi, c'est cette mentalité qui est un peu chez nous politique où il n'y a pas aucune once d'esprit critique. Hein, sur tous les candidats de la dernière présidentielle, il n'y en a pas un qui ait une critique là-dessus. C'est assez affligeant. Hein. Oui, peut-être qu'on va malheureusement vers une perte de notre identité. Alors, j'ai pas envie de dire humaine, parce que toutes ces choses, comme je te le disais, pour moi, c'est pas que propre à l'être humain. On vit, on meurt, on ressent des choses, on a nos cinq sens, on ressent des émotions, et ça, c'est le cas de tout le vivant. Hein. On le sait très bien maintenant que même les animaux qui nous entourent et les plantes ressentent aussi des émotions. Donc, voilà, nier cet aspect du vivant, en fait, je trouve ça tragique. Pour distinguer les vrais écolos des faux, il suffit de leur parler de ça. Les faux, ils sont tous hyper connectés, tandis que les vrais, ils rejettent vraiment tout ça. Moi, je ferai peut-être une émission sur les écologistes la prochaine fois. Ah, ça peut être les vrais écologistes. Hein. Ça va être très très intéressant. Voilà. Bonsoir aux auditeurs. Et à bientôt, au mois prochain. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, la prochaine émission, techniquement, c'est dans 4 semaines, si je ne me trompe pas. Alors, j'ouvre déjà mon agenda, comme ça, on fixe le rendez-vous avec les auditeurs. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, ça sera techniquement le 19 septembre. Je ne serai pas là exceptionnellement, mais j'aurai hâte de t'écouter et de savoir ce que tu diras. Bon, écoute, Antoine, merci beaucoup pour toutes ces informations et à dans un mois. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.